1, 2, 3. Conformé dans mes intestins, je livre mon temps à l'œsophage. Je couche d'une panoplie de papillons, je ferme un jour la bouche. Eux contournent dans mon estomac, ou simplement dans mes intestins. Je couche d'une panoplie de papillons, chaque fois que j'expérimente. Dans la vessie, souris son remords par mon urine. Je couche d'une panoplie de souris, chaque fois que je suis.